Bonjour, French listeners. Whether you've been naughty or you've been nice, we still welcome you to French Pod. We'll leave that up to the guy in the North Pole to decide. This is an elementary lesson, and I'm Erica. Et je suis Amaury. Bonjour à tous. We're in the Christmas spirit today. We're going to talk about Santa Claus. I'm so excited, Erica. How do you say Santa Claus in French, Amaury? Père Noël. Father Christmas. Yeah. Mm-hmm. Père Noël. Today we have a French kid writing his letter to the Père Noël. Oui. And he's going to ask what he wants for Noël. So let's find out what he's going to ask for. Give us something we're going to hear. Sage. Sage. And that's how you say... wise. But it's also in French how you say nice when you're talking about kids. That's right, yeah. Good. Le Père Noël looks for the kids who are sage. All right, here's the dialogue three times. Dialogue, première écoute. Cher Père Noël, j'espère que tu n'as pas trop froid là-bas, au pôle Nord. Pour Noël, j'aimerais avoir un vélo et aussi un petit frère, parce que je m'ennuie et je ne veux plus jouer toute seule. Cette année, j'ai été très sage, alors s'il te plaît, ne m'oublie pas. Dialogue, deuxième écoute. Cher Père Noël, j'espère que tu n'as pas trop froid là-bas, au pôle Nord. Pour Noël, j'aimerais avoir un vélo et aussi un petit frère, parce que je m'ennuie et je ne veux plus jouer toute seule. Cette année, j'ai été très sage, alors s'il te plaît, ne m'oublie pas. Dialogue, troisième écoute. Cher Père Noël, j'espère que tu n'as pas trop froid là-bas, au pôle Nord. Pour Noël, j'aimerais avoir un vélo et aussi un petit frère, parce que je m'ennuie et je ne veux plus jouer toute seule. Cette année, j'ai été très sage, alors s'il te plaît, ne m'oublie pas. First, let's translate this. Cher Père Noël. Dear Santa Claus. Cher Père Noël. Dear Santa. Cher Père Noël, j'espère que tu n'as pas trop froid là-bas, au pôle Nord. I hope that you're not too cold over there in the North Pole. J'espère que tu n'as pas trop froid là-bas, au pôle Nord. I hope that you're not too cold up there in the North Pole. J'espère que tu n'as pas trop froid là-bas. Au pôle Nord. Pour Noël, j'aimerais avoir. For Christmas, I would like to have. Pour Noël, j'aimerais avoir. For Christmas, I would like to have. Pour Noël, j'aimerais avoir un vélo. A bike. Un vélo. A bike. Un vélo. Et aussi un petit frère. And also a little brother. Oh. Et aussi un petit frère. And also a little brother. Et aussi un petit frère. Parce que je m'ennuie et je ne veux plus jouer tout seul. Because I'm bored and I don't want to play all alone anymore. Parce que je m'ennuie et je ne veux plus jouer tout seul. Because I'm bored and I don't want to play alone anymore. Parce que je m'ennuie et je ne veux plus jouer tout seul. Cette année, j'ai été très sage. This year, I was really good. Cette année, j'ai été très sage. This year, I was really good. Cette année, j'ai été très sage. Alors, s'il te plaît, ne m'oublie pas. So, please, don't forget me. Alors, s'il te plaît, ne m'oublie pas. So, please, don't forget me. Alors, s'il te plaît, ne m'oublie pas. So, first we learn how to start a letter. Cher. It's just like in English, you open a letter with the word cher. Always, when you write your letter. Okay, and this letter is to Père Noël. He starts with a few pleasantries. He's not going to get right to what he wants. Gotta, you know, say a few nice things. So he's nice. He says, j'espère que tu n'as pas trop froid. We know to be cold, we avoir froid. Oui. So you're not cold, tu n'as pas froid, but you're not too cold. Tu n'as pas trop froid. And this is something I'm hoping for you. J'espère que tu n'as pas trop froid. J'espère que tu n'as pas trop froid. Where? Là-bas. Over there. Au pôle Nord. Which we know is where Santa lives. Yeah. We know that le Père Noël lives up there. Au pôle Nord. Yeah. So even the French Santa. Lives in the same place as the... yeah. Because he's the same Père Noël all over the world. We might call him by a different name, but yeah. He lives in the same place. All right, now let's get down to business. Yeah, enough. Enough with the pleasantries. Pour Noël. Okay. J'aimerais avoir. When you say j'aimerais, it's something I would wish I could have. It's a more polite way for him to ask le Père Noël for something. That's right. J'aimerais avoir. So what does he want to have? Un vélo. First of all. Like a nice person. Sure, all kids want a vélo. No one ever really asks, how does le Père Noël get that vélo down the chimney? No one thinks about that. I'm sure he's not either. Le Père Noël will find a way. Always. That's not all he wants. He's now going to ask for the unreasonable things that Santa just, you know, can't bring. But what? Et aussi... un petit frère. Oh. It's so nice. Why? Parce que je m'ennuie. Je m'ennuie. I'm bored. Just quite simply, that's what that means. Yeah. You want to say, I am bored. In French, you say, I bore myself. Yeah. Je m'ennuie. And I know what it is, Erica. I was an only child like the little guy here. Me too. And yeah, I understand also. So. Did you write Santa and ask him for un petit frère? Yeah, but it never came. It's too bad. Okay, so the first reason that he wants un petit frère, don't cry, Marie. Still gets to you, huh? Okay, the first reason he wants un petit frère is because il s'ennuie. But that's another reason. Okay, and what's that? Je ne veux plus jouer tout seul. Like all only children. Yeah. So, I don't want... Je ne veux pas. Okay, but what if I don't want any more? Je ne veux plus. Je ne veux plus. Maybe before I might have wanted this. But now, je ne veux plus. What? Jouer. I'm sure he still wants to. Jouer. Is that il ne veut plus jouer what? Tout. All. Seul. Alone. Tout seul. Understandable. Only children s'ennuient. That's right. Now it's time to make the case of why he deserves le Père Noël to meet his demands. Because cette année... Maybe not last year, but cette année. Maybe not next year either. But cette année, what? He says, j'ai été très sage. Et sage, you know, the key word. So this year, it's finished now, so j'ai été très sage. Right. In this case, because it's a completed action, we say j'ai été. True. Il a été what? Even not just only sage, il a été très sage. Alors, s'il te plaît, Père Noël. He's imploring. What? Ne m'oublie pas. So, don't forget. N'oublie pas. But don't forget me. Ne m'oublie pas. Right. Well, let's hear that dialogue 3 more times now. Dialogue, première écoute. Cher Père Noël, j'espère que tu n'as pas trop froid là-bas, au pôle Nord. Pour Noël, j'aimerais avoir un vélo et aussi un petit frère. Parce que je m'ennuie et je ne veux plus jouer toute seule. Cette année, j'ai été très sage. Alors, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Dialogue, deuxième écoute. Cher Père Noël, j'espère que tu n'as pas trop froid là-bas, au pôle Nord. Pour Noël, j'aimerais avoir un vélo et aussi un petit frère. Parce que je m'ennuie et je ne veux plus jouer toute seule. Cette année, j'ai été très sage. Alors, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Dialogue, troisième écoute. Cher Père Noël, j'espère que tu n'as pas trop froid là-bas, au pôle Nord. Pour Noël, j'aimerais avoir un vélo et aussi un petit frère. Parce que je m'ennuie et je ne veux plus jouer toute seule. Cette année, j'ai été très sage. Alors, s'il te plaît, ne m'oublie pas. So, did Did you used to write letters to the Père Noël when you were little? Bien sûr. Yeah, I had to make a list, you know. Right. And you? Sure. I wrote my list to Père Noël. J'aimerais avoir... But did you start like this little boy? Did you start like, j'espère que tu n'as pas trop froid? Or I'm not sure I ever said that. I mean, I said, I hope all the elves are doing well and everything. So in France, kids believe in the Père Noël, and they even write letters. That's right, yeah. We haven't got an address and everything in France. Really, what's the address? Numéro 1, Chemin des Nuages. The cloud road or the cloud path. Mm-hmm. Au pôle Nord. Oui, parce que l'adresse, c'est le pôle Nord. When there's a lot of clouds, right? Yeah, the city, le pôle Nord. But you're not kidding around. There was a law that was passed in France regarding this, wasn't there? Yeah, there was a law in 1962. That said what? That all children would receive a response when they write the letter to the Père Noël. The government will personally... Well, no, I mean, le Père Noël will personally answer. Yeah. Maybe the government will do it on his behalf if he gets too busy. But you can expect an answer. Yeah. Mm-hmm. It's funny that a law was passed for that. It's interesting. So let's review real quick. How do you say I'm bored? Je m'ennuie. I don't want to anymore. Je ne veux plus. And when you'd like to get a present, when you ask for something, you say, j'aimerais. Well, please come visit FrenchPod.com. Yeah, j'aimerais that you come and leave a comment on this lesson. Yes, j'espère que you come and talk to us and that you n'oublie pas. À bientôt. Au revoir.